إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et vous facilite. Tout d'abord, j'aimerais remercier les frères de la ville de Rennes pour avoir organisé cette conférence, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense et leur facilite dans ce qu'ils aiment et agréent. Également, je les remercie pour avoir fait appel à moi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit bienfaisant envers eux, pour leur bonne opinion qu'ils ont eue de moi. Même s'il est évident qu'il y a des frères parmi les prédicateurs qui sont meilleurs que moi et plus compétents pour traiter de ce sujet. Mais malgré tout, je ne vais pas laisser passer l'occasion qui m'a été donnée. Car comme l'a dit le poète, إِذَا هَبَّتِ الرِّيَاحُ فَاغْتَنِمْهَا فَإِنَّ لِكُلِّ عَاصِفَةٍ سُكُونُ وَلَا تَغْفَلْ عَنِ الْإِحْسَانِ فِيهَا فَمَا تَدْرِ السُّكُونُ مَتَى يَكُونُ. Lorsque le vent souffle en ta faveur, cherche à en profiter. Car après qu'il est soufflé, le calme prend sa place. N'oublie pas de faire le bien pendant qu'il est encore là. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il cessera de souffler. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le très généreux, Seigneur du trône immense, de vous prendre pour allier ici-bas et dans l'au-delà, de vous bénir où que vous soyez, et qu'il vous place parmi ceux qui remercient lorsqu'on leur donne, patiente lorsqu'ils sont éprouvés, et implore le pardon d'Allah lorsqu'ils commettent un péché, car ces trois choses sont certes les clés du bonheur, comme l'a mentionné l'éminent savant Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab dans son épître intitulé « Les trois fondements ». Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous fasse miséricorde, que l'islam est la seule religion agréée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, Inna dina indallahi l'islam. La religion agréée d'Allah subhanahu wa ta'ala est l'islam. Et il dit également Azza wa Jal, Wa man yabtari ghayra l'islam dinan falan yuqbala min, wa huwa fil akhirati min al khasirin. Quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Et l'islam, comme l'a mentionné les gens de science, est venu protéger 5 principes fondamentaux qui sont la religion, la vie, la raison, les biens et l'honneur. Et les gens de science sont unanimes que le principe fondamental le plus important que l'islam est venu préserver est la religion. C'est-à-dire que la religion est ce que tu possèdes de plus important. Et ce qui est le plus important dans cette religion qui est l'islam, c'est le tawhid. Le plus important de cette religion, la chose la plus importante, c'est le tawhid. Car le tawhid est le but de la création de l'homme. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire pour qu'ils m'unifient. Car l'adoration ne peut être valide qu'avec le tawhid. L'éminent savant Al-Sheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, dans son livre intitulé « Les quatre règles », il dit à la suite de ce verset rahimahullah « Ainsi, si tu sais qu'Allah t'a créé pour son adoration, sache que l'adoration ne peut être nommée adoration qu'avec l'unicité. Tout comme la prière ne peut être nommée prière qu'avec la purification. » Également le tawhid, c'est le premier ordre dans le Coran. قال الله سبحانه وتعالى في أوائل سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم. Ô vous les hommes, adorez votre Seigneur. Et il a été rapporté que le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Abbas, radiallahu an, a dit que tout ordre d'adoration dans le Coran est un ordre de tawhid. Également le tawhid est la première action citée dans le Coran. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. C'est toi que nous adorons seul et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Aussi le tawhid est la chose par laquelle tous les prophètes ont commencé leur prêche. قال الله سبحانه وتعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهِ وَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. » Subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans Surat Hud « وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. Et au peuple de Madian, nous avons envoyé leur frère Shu'ib qui leur dit: Ô mon peuple, n'adorez qu'Allah. Vous n'avez pas de divinité véritable que lui. Ne diminuez pas la mesure et le poids, car je vous vois dans l'aisance, et je crains pour vous un jour dont le châtiment vous enveloppera de toutes parts. » Méditez avec moi la parole du prophète Shu'aib, alayhi salam, à son peuple. Il a commencé à appeler son peuple au tawhid avant de les mettre en garde dans le fait de tricher dans les pesées. Et l'éminent savant, Cheikh Salih Al-Fawzan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, nous dit que tous les prophètes, sans exception, ont commencé leur appel par cette parole, c'est-à-dire « Ya qawm ya'budullah, ma lakum min ilahin ghayru. » Ô mon peuple, n'adorez qu'Allah, vous n'avez pas de divinité véritable que lui. Également le tawhid, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. La preuve de cela réside dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. D'après Mu'az ibn Jabal, radiallahu anhu, qui a dit: j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne. Il me dit: ô Mu'az, sais-tu quel est le devoir des serviteurs envers Allah et quel est son devoir envers eux? Je répondis: Allah et son prophète sont plus savants. Il continua alors et dit: le devoir des serviteurs envers Allah est qu'ils l'adorent sans rien lui associer. Également le tawhid est le plus grand des bienfaits. Car dans Surat An-Nahl, Surat les abeilles, qui est aussi appelée Surat An-Ni'am, la Surat des bienfaits, dans cette Surat, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné nombreux bienfaits. Et le premier des bienfaits qu'il a mentionné, Azza wa Jal, c'est le Tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le deuxième verset: يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونَ. Par son ordre, il fait descendre les anges avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs, afin d'avertir les hommes en leur disant: il n'y a de divinité digne d'adoration que moi, craignez-moi donc. Et le tawhid est également la plus grande sécurité, ici-bas et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet: الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Ceux qui ont cru et n'ont point entaché leur foi de quelque association, eux seuls obtiendront la sécurité et eux seuls sont les bien guidés. Et la chose la plus dangereuse dans notre religion qui est l'islam est le shirk. Car le shirk est le seul péché qu'Allah Azza wa Jal ne pardonne pas. Le seul péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas, c'est le shirk. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le paradis à celui qui meurt sur le shirk sans s'être repenti. قال الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Certes, celui qui associe à Allah, Allah lui interdit le paradis. إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ Et son refuge sera l'enfer. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ Et pour les injustes, point de secoureur. Également le shirk annule toutes les œuvres. قال الله سبحانه وتعالى في سورة زمر وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu attribues un associé à Allah, tes œuvres seront vaines et tu seras du nombre des perdants. Et le shirk est la plus grande des injustices. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Luqman Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunay la tushrik billah. Inna shirka la zulmun azim. Lorsque Luqman dit à son fils en l'exhortant, mon enfant, ne donne pas d'associé à Allah, car le polythéisme est une injustice immense. Donc si le serviteur a conscience que le tawhid est la chose la plus importante et que le shirk est le péché le plus grave, alors cela doit le pousser à préserver ce tawhid qui lui est cher et de s'écarter du shirk duquel il a peur. Et quelqu'un pourrait se demander, comment faire pour préserver ce tawhid et pour s'écarter du shirk? Nous répondons à cette interrogation qu'il y a plusieurs causes à cela. Et nous allons mentionner trois causes. La première des causes est étudier le tawhid ainsi que le shirk, car il est obligatoire pour tout musulman et pour toute musulmane d'apprendre le tawhid. Et la preuve de cela réside dans surat Muhammad. قال الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. Sache qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah et demande pardon pour ton péché. Les gens de science ont mentionné que la base dans l'ordre est qu'il indique le caractère obligatoire de la chose ordonnée. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « fa'lam, sache ». C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de connaître et d'étudier le tawhid. Donc le serviteur doit étudier le tawhid. Et il doit également étudier son contraire, c'est-à-dire le shirk. Car le musulman se doit d'étudier le bien pour mettre en pratique ce bien et étudier le mal pour s'en préserver. Et la preuve de cela réside dans le hadith qui est rapporté par l'imam muslim. D'après Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, qui a dit كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني مخافة أن يدركني. Il dit Hudhayf ibn al-Yaman radiallahu anhu, les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم questionnaient le prophète صلى الله عليه وسلم au sujet du bien, et moi je le questionnais au sujet du mal, de peur qu'il m'atteigne. Donc le musulman doit étudier le tawhid en détail. Qu'est-ce que l'unicité de la seigneurie? Qu'est-ce que l'unicité dans l'adoration? Qu'est-ce que l'unicité dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et également le shirk pour pouvoir s'en préserver. La deuxième cause est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te préserve du shirk. Le prophète Ibrahim alayhi salam, malgré qu'il s'est désavoué de son père et de son peuple, malgré qu'il a cassé les idoles, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver et de l'écarter du shirk. قال الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Lorsqu'Ibrahim dit: Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr et préserve-moi ainsi que mes enfants d'adorer les idoles. Donc la deuxième cause est que tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te préserve du shirk. Et la troisième et dernière cause est s'écarter des mécréants et quitter leur terre. Et ceci nous ramène au sujet de la conférence d'aujourd'hui. Et comme vous le savez, le sujet de notre conférence, c'est la hijra. Donc parmi les causes que le musulman doit faire pour préserver son tawhid et pour s'écarter du shirk, il y a la hijra. Et la hijra, d'un point de vue linguistique, la hijra signifie le délaissement. Car le mot hijra vient du verbe hajara. Et le verbe hajara signifie taraka, c'est-à-dire délaisser. Donc ça, c'est d'un point de vue de la langue arabe. Ensuite, dans la législation, la hijra, comme l'a défini l'éminent savant Cheikh Al-Uthaymeen alayhi rahmatullah, la hijra consiste à délaisser une terre de polythéisme pour se rendre en terre d'islam. Donc voici la hijra d'un point de vue linguistique et d'un point de vue de la législation. Maintenant, nous allons voir le jugement de la hijra. Quel est le jugement de la hijra? Les gens de science ont mentionné que le jugement de la hijra est de deux catégories. Nous avons la hijra lorsqu'elle est obligatoire. Et la hijra est obligatoire lorsque la personne vit dans une terre de mécréance et qu'elle ne peut pas extérioriser sa religion. Et nous allons voir ce qui est voulu par extérioriser sa religion. Donc lorsque la personne vit en terre de mécréance, elle vit en France, en Belgique, en Espagne ou autre, et qu'elle ne peut pas extérioriser sa religion, à ce moment-là, la hijra est une obligation. Ensuite, nous avons la hijra lorsqu'elle est recommandée. Et c'est lorsque la personne vit en terre de mécréance, mais a la capacité d'extérioriser sa religion. Et donc à ce moment-là, la hijra sera recommandée pour cette personne. Au vu de ces informations, il peut y avoir plusieurs questions qui se posent. La première question: et qu'est-ce qui est voulu par extérioriser sa religion? Car le fait d'extérioriser sa religion, on retrouve cela dans la hijra qui est obligatoire et dans la hijra qui est recommandée. Donc, qu'est-ce qui est voulu par extérioriser sa religion? Est-ce que cela consiste à prier les 5 prières, à jeûner le mois de Ramadan, faire le hajj, payer la zakat et autres? L'éminent savant, Al-Sheikh Saleh Al-Fawzan, répond à cette question. Et il dit, Hafidhahullah, ce qui est voulu par extérioriser la religion, ce n'est pas qu'il te laisse prier et adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est plutôt déclarer que l'islam est la religion de vérité et que toutes les autres religions sont fausses. Et qu'Allah azawajal a rendu obligatoire à l'ensemble de l'humanité le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que toutes les législations ont été abrogées avec l'islam, et qu'il appelle les gens à l'islam, c'est-à-dire celui qui réside en terre de mécréance. Il dit par la suite, ceci est le sens d'extérioriser sa religion en terre de mécréance. En ce qui concerne le fait qu'il te laisse prier, jeûner et autres, ceci n'est pas extérioriser sa religion. Fin de citation. De la parole de notre cheikh Saleh Al-Fawzan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Donc ici on voit, au vu des paroles de l'éminent savant cheikh Saleh Al-Fawzan, qu'extérioriser sa religion, ce n'est pas ce que beaucoup de musulmans pensent, c'est-à-dire prier les 5 prières, jeûner le mois de Ramadan, donner la zakat et adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Car en vérité, il n'y a pas un pays, en règle générale, qui va t'interdire de prier les 5 prières et qui va t'interdire de jeûner et de donner la zakat. Néanmoins, extérioriser sa religion, c'est se désavouer des polythéistes d'une manière apparente, de les appeler à l'islam et de déclarer que leur religion est caduque. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le seul à être suivi et se désavouer de leur shirk, se désavouer de leur mécréance et se désavouer d'eux. Ceci est extérioriser la religion. Et celui qui vit en terre de mécréance, et je vise plus particulièrement ceux qui vivent dans des pays comme la France et la Belgique, par exemple, ils verront que le musulman ne peut pas extérioriser sa religion dans ce genre de pays et dans ce genre d'endroit. La deuxième question que quelqu'un pourra se poser, qu'est-ce qu'il est préférable de faire dans le cas où la hijra est recommandée pour une personne ? Imaginons qu'une personne vit dans un pays de mécréance, mais qu'il peut extérioriser sa religion. Donc dans son cas, la hijra est recommandée. Qu'est-ce qui lui est préférable de faire? Est-ce qu'il lui est préférable de rester en terre de mécréance, ou bien lui est préférable de faire la hijra? Et pour répondre à cette interrogation, je vais mentionner un enseignement bénéfique, une faïda, que j'ai entendu d'un de nos mashayikh au Yémen. Et ce shaykh n'est autre que le noble shaykh Aboul Munzir Munir al-Sa'di al-Adani, qu'Allah le préserve. Lorsqu'il nous a enseigné ce livre à l'époque et qu'il nous a mentionné ce sujet, et que dans certains cas, la hijra est recommandée pour celui qui peut extérioriser sa religion, il nous a dit, hafidhahullah, que même si la hijra est recommandée pour cette personne, il est préférable qu'il fasse la hijra. Et il a mentionné un argument à cela. Il a dit, car s'il reste en terre de mécréance, il met en péril sa descendance. Subhanallah. Il met en péril sa descendance. Regardez comment nos meshirs voient loin. Quelqu'un pourrait se demander, mais pourquoi met-il en péril sa descendance? Le cheikh a expliqué. Et il nous a dit que peut-être que cette personne peut extérioriser sa religion, mais que ses petits-enfants ne pourront pas extérioriser sa religion. Et lui, il s'est établi en terre de mécréance. Également, s'il lui arrive quelque chose, où iront ses enfants? Prenons un exemple tout simple. Quelqu'un vit en France. Un couple de musulmans vivent en France. Les deux décèdent. Où vont aller les enfants? Où vont-ils aller? On connaît tous la réponse. Ils vont aller dans une famille d'accueil. Et pensez-vous qu'on va leur trouver une famille d'accueil parmi les musulmans, Allahumma barik, et plus particulièrement une famille parmi les gens de la sunna? Là, wallah. Mais ils vont plutôt les placer chez des mécréants. Regardez à quel point la parole du cheikh est pertinente. Quand bien même la hijra est recommandée pour la personne qui peut extérioriser sa religion en terre de kufr, il lui est recommandé de faire la hijra. Alors que dire? Alors que dire pour celui qui vit en terre de mécréance et qui ne peut pas extérioriser sa religion? Également, on pourrait se demander quelle est la preuve que la hijra est une obligation? Car la science, comme l'a mentionné l'éminent savant Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah, la science est basée sur des preuves. Qala Ibn al-Qayyim rahmatullah, al-ilm qala Allah wa qala rasuluhu wa qala as-sahabatu hum ulul ilfani. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah a dit dans son poème intitulé An-Nuniya, la science c'est Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et les compagnons ont dit. Donc nous avons mentionné que la hijra est obligatoire. Quelle est la preuve que la hijra est obligatoire? Les savants ont tiré l'obligation de la hijra du verset 97 de Sourate An-Nisa. Et avant de lire ce verset et d'expliquer ce verset, je tiens à ouvrir une parenthèse. Lorsque le musulman lit le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il passe par certains versets, parfois, il ne va pas se sentir concerné. Prenons par exemple un célibataire qui passe par un verset qui parle du divorce. Il ne va pas se sentir concerné, car il n'est pas marié. Pareil pour une personne qui a peu de moyens. Et il passe par un verset qui parle du pèlerinage. Il ne va pas se sentir concerné, car il n'a pas d'argent pour faire le pèlerinage. Pareil pour la zakat. Il n'a pas assez d'argent pour donner la zakat. Mais ce verset concernant la hijra concerne toute personne vivant en terre de mécréance. Et il concerne également toute personne qui vivait en terre de mécréance et qui a fait la hijra. Ce verset, barakallahu fikoum, doit être une base pour toute personne vivant en terre de mécréance ou ayant déjà fait la hijra. C'est pour ça qu'il faut méditer sur ce verset. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. Il veut de nous, Azza wa Jal, qu'on médite sur les versets du Coran. قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Ne médite-t-il pas sur le Coran? Ou y a-t-il sur leur cœur un cadenas? Le musulman ne doit pas juste lire le Coran, comme le font par exemple certaines personnes, des gens de l'innovation, qui vont beaucoup lire le Coran. Tu vas les voir par exemple finir le Coran une fois par semaine. Il va passer par des versets où Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple « Wa'abudu Allah wa la tushriku bihi shay'a » Adorez Allah et ne lui associez rien. Et il va adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va passer par le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada » Les mosquées appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala seul. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا N'invoquez personne avec lui, il va invoquer autre que lui. Ou il va passer par le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ الْآيَة Il va passer par un verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de sacrifier pour lui, Azza wa Jal. Et il va sacrifier pour autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. En sachant que le Coran, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné dans un hadith authentique, Al-Quran, hujjatun laka ou alayk. C'est une preuve pour toi ou contre toi. Donc il faut qu'on médite sur ce verset et qu'on mette en pratique ce qu'implique ce verset. Ce verset, comme nous l'avons mentionné précédemment, c'est le verset 97 de Sourate An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna alladhina tawaffahumu al-malaikatu zalimi anfusihim. Qalu fima kuntum. Qalu kunna mustad'afina fil ard. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا لا حول ولا قوة إلا بالله الله سبحانه وتعالى dit selon le sens ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes. Ici on pourrait se demander pourquoi se sont-ils fait du tort à eux-mêmes? Les savants du tafsir ont dit qu'ils se sont fait du tort à eux-mêmes car ils ont délaissé la hijra. Ils sont restés dans une terre où ils avaient l'obligation de faire la hijra. Et le fait qu'ils soient restés alors que la hijra est obligatoire, ceci est un péché et une injustice envers leur propre personne, comme l'a mentionné l'éminent savant, Al-Sheikh Al-Uthaymeen alayhi rahmatullah, dans le tafsir de ce verset. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, ils se sont fait du tort à eux-mêmes car ils ont délaissé la hijra. Ensuite, il dit Azza wa Jal selon le sens, les anges enlèveront leur âme en disant, dans quelle situation étiez-vous? Et ici, barakallahu fikoum, que chacun d'entre nous se pose la question. Plus particulièrement, ceux qui résident en terre de mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les anges disent à ces personnes « Qalu fima kuntum ?» Dans quelle situation étiez-vous? Toi qui es en terre de mécréance, dans quelle situation es-tu? Pose-toi la question et sois sincère. Dans quelle situation es-tu? Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par la suite? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Ils dirent, c'est-à-dire ceux qui se sont fait du tort en délaissant la hijra. Ils dirent, nous étions impuissants sur terre. L'éminent savant, Cheikh Al-Uthaymeen alayhi rahmatullah, dit dans le tafsir de ce verset une parole très pertinente. Il nous dit, rahmatullah, celui qui est éprouvé essaye de se défendre avec n'importe quel argument, même si cet argument est faux. Fin de citation. Les anges leur ont posé une question claire. Qalu fima kuntum. Dans quelle situation étiez-vous? Ils dirent, nous étions impuissants sur terre. Et cette parole-là n'est pas la réalité. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas véridiques dans leurs prétentions. Et quelqu'un pourrait se demander, comment est-ce possible? Et quelle est la preuve qu'ils ne sont pas véridiques dans leurs prétentions? Dans le verset, il y a plusieurs indications qu'ils ne sont pas véridiques dans leurs prétentions. La première indication est que les anges les ont blâmés après avoir entendu leur excuse. Allah subhanahu wa ta'ala dit par la suite, qalu, c'est-à-dire les anges, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? C'est-à-dire que leur excuse ici n'est pas acceptée. Car si leur excuse et leur argument auraient été acceptés, les anges ne les auraient pas blâmés. Dans la législation islamique, lorsque quelqu'un donne une excuse légiférée, tu ne peux pas blâmer cette personne. Imaginons que tu pries à la mosquée et que tu trouves quelqu'un qui prie assis. Et tu lui dis, pourquoi pries-tu assis? Et il te dit, je suis dans l'incapacité de prier debout. Tu ne vas pas le blâmer. Ici, tu ne peux pas le blâmer. Pourquoi? Car son excuse est légiférée. Mais si par exemple il te dit, je prie assis, car je n'ai pas envie de prier debout. Ici, tu vas le blâmer. Et tu vas lui dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Imran ibn Hussein, « Salli qa'iman, prie debout. » Ceci est un ordre, et l'ordre montre l'obligation. Et donc, lorsque ces gens qui se sont fait du tort à eux-mêmes en délaissant la hijra ont mentionné cet argument et que les anges n'ont pas accepté leur argument et qu'ils les ont blâmés, cela montre qu'ils ne sont pas véridiques. Également, il y a une deuxième indication qui nous montre qu'ils ne sont pas véridiques dans leurs prétentions. Méditez avec moi ce que ces gens ont dit comme excuse et comme argument. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Nous étions impuissants sur terre. Et ici, on prend note du mot mustad'afin, qu'on traduit par impuissant. Donc ils ont dit, nous étions impuissants sur terre. Dans le verset 98, Allah subhanahu wa ta'ala exclut certaines personnes. Et il parle de ceux qui vont être pardonnés et qui vont obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit au début de ce verset. Il dit « Illa al-mustad'afina min al-rijali wal-nisa'i wal-wildan » à l'exception des impuissants parmi les hommes, les femmes et les enfants. La yastati'ouna hilatan wa la yahtadouna sabila. Incapable de voyager et ne trouvant aucun moyen. Allah finit en disant فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا. À cela, il se peut qu'Allah pardonne, et Allah est clément et pardonneur. Si vraiment ils étaient impuissants, comme ils le prétendent, Allah subhanahu wa ta'ala aurait excusé ces personnes. Et Allah subhanahu wa ta'ala les aurait comptés parmi les véritables impuissants. Mais lorsqu'ils n'ont pas été véridiques, les anges les ont blâmés. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a menacés par l'enfer. Ici, on s'arrête un peu. On s'arrête un peu. Car il y a certes une leçon très importante. Lorsque quelqu'un va te demander, il va te demander la raison pour laquelle tu n'as pas encore émigré. Tu vas lui dire parce que, voilà, je suis dans telle et telle situation. Même si tu n'es pas véridique, il va se baser sur ce qui est apparent. Et tu peux lui dire ce que tu veux. Tu peux lui dire je n'ai pas d'argent alors que tu as de l'argent. Tu peux lui dire je dois m'occuper de ma mère alors que vous êtes une fratrie de 7 enfants. Tu peux lui dire ce que tu veux. Et il va te croire, Inch'Allah. Car il se base sur ce qui est apparent. Le jour, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Abasa, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. Le jour où la personne fuira son frère. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. Il fuira sa mère et son père. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Sa compagne et ses enfants. لِكُلِّ امْرِئٍ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Toute personne sera préoccupé par sa propre affaire. Ce jour-là, il n'y aura plus de mensonges. Ce jour-là, on ne pourra pas dire « Oui, mais j'étais dans telle situation. Oui, mais je n'avais pas assez d'argent. Oui, mais ma maison n'était pas encore construite. Oui, mais ma femme n'était pas convaincue. » Ou d'autres arguments. Ces gens-là, on dit une excuse, mais cette excuse n'a pas été acceptée. Que chaque personne regarde pourquoi il retarde la hijra. Est-ce que s'il meurt aujourd'hui, est-ce que son excuse sera acceptée? Que chacun médite sur ça. Ça, c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la parole de celui qui t'a créé. Ça, c'est la parole de celui qui dit « Ya'lamu kha'inat al-a'yun wa ma turfi as-sudur. » Il sait ce que cache la trahison des yeux et ce que cachent les poitrines. Tu veux cacher quelque chose à Allah, subhanahu wa ta'ala? Ces gens-là ont mentionné leur excuse, mais elle n'a pas été acceptée. Et les anges les ont blâmés, ce qui nous montre que leur excuse n'est pas acceptée. Et les anges ont dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne, Azza wa Jal, « قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا » La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Aujourd'hui, il y a de nombreux pays, des pays musulmans. Aujourd'hui, alhamdoulillah, il y a des pays musulmans à 3h, 3h30. Il y a des pays musulmans où tu peux même venir en voiture. Il y a des pays musulmans où tu peux même ramener tes affaires personnelles. Ton four, ta gazinière, ton canapé, etc. La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Et regardez par quoi Allah subhanahu wa ta'ala termine ce verset. Et avant de mentionner par quoi Allah subhanahu wa ta'ala termine ce verset, le musulman redoute. Il y a quelque chose que le musulman redoute par-dessus tout. Un endroit où il ne veut pas rentrer. Un endroit où il ne veut même pas s'approcher. Il ne veut même pas entendre cet endroit. Cet endroit, c'est l'enfer. Cet endroit, c'est l'enfer. Tout croyant redoute l'enfer. Celui, subhanallah, qui médite sur les versets qui parlent de l'enfer, les versets qui parlent de la nourriture des gens de l'enfer, les versets qui parlent des gens de l'enfer, les ahadiths qui parlent de comment ça va se passer en enfer, subhanallah, le croyant ne peut que redouter. Et Allah subhanahu wa ta'ala finit ce verset par menacer qui? Les kuffars? Les munafiqin? Les mulhidin? Là! Mais plutôt ceux qui ont délaissé la hijra alors qu'ils avaient la capacité d'accomplir la hijra. Il les menace par quoi? Il les menace par l'enfer. Il dit Azza wa Jal, فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ. Voilà ceux. Qui sont ceux-là? Ceux-là, ce sont ceux qui ont délaissé la hijra alors qu'ils avaient la capacité de l'accomplir et qui se sont fait du tort à eux-mêmes. Naam, ils se sont fait du tort à eux-mêmes et à leurs enfants. Ils ont préféré la vie d'ici-bas. Ils ont préféré rester en terre de mécréance et être humiliés. Et ils ont préféré exposer leur religion que de mettre leur religion en sécurité ainsi que la religion de leurs enfants. Et Allah subhanahu wa ta'ala les menace. Il ne menace pas les kuffars. Il ne menace pas les munafiqin. Mais il menace qui? Il menace ceux qui ont délaissé la hijra alors qu'ils avaient la capacité. Fa'ulaika ma'wahum jahannam. Voilà ce dont la destination est l'enfer. Wasa'at masira. Quelle mauvaise destination. Wasa'at masira. Naam ya Rab, quelle mauvaise destination. On est concerné par ce verset. Que tu le veuilles ou non, tu es concerné par ce verset. Je suis concerné par ce verset, on est tous concernés par ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala, il termine en disant « فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ أَيْنَ أَنْتَ. Où es-tu? Quand est-ce que tu vas te réveiller? Afiq min raflatik. Réveille-toi de ton sommeil. Jusqu'à quand? Tu vas attendre qu'ils viennent chez toi pour prendre tes enfants pour te réveiller? Tu vas attendre d'être éprouvé dans ta foi pour te réveiller? Ce verset ne te suffit pas? Cette dure et rude menace de l'enfer ne te suffit pas? فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Voilà ceux dont la destination est l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Afala ta'aqiloun? Afala ta'alamoun? Afala tadabbaroun? Ne méditez-vous pas? Ne raisonnez-vous pas? Jusqu'à quand? Regardez, Ikhwani fillah, ce que l'un des grands savants de l'islam a mentionné dans le tafsir de ce verset. L'éminent savant Cheikh Abdurrahman Ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah, dans le tafsir de ce verset, a dit: il y a dans ce verset une preuve que la hijra fait partie des plus grandes obligations et que son délaissement fait partie des plus grands péchés. Fin de citation. Et ce verset, comme l'a mentionné Ibn Kathir rahmahullah dans son tafsir, ce verset est général. Que personne vienne te dire non, ça c'était à l'époque des compagnons. Là, ce verset est général. Et comme il a mentionné, il englobe toute personne résidant en terre de mécréance et étant dans l'incapacité d'extérioriser sa religion. Donc ce verset nous concerne. Il concerne les frères et les sœurs de France. Il concerne les sœurs et les frères de Belgique et autres. Ce verset nous concerne. Quelqu'un pourrait se dire, Taïb, on a vu que la hijra est obligatoire. Et que celui qui délaisse la hijra, alors qu'il a la capacité de l'accomplir, il s'expose à un lourd châtiment. Mais la hijra est quelque chose de difficile. Comment vais-je faire pour ma subsistance? Comment vais-je faire pour trouver du travail? Et peut-être que celui qui est converti à l'islam te dira: et moi, où je vais aller? Je n'ai pas de bien sur place. Moi et mon épouse, nous sommes par exemple français. Et d'autres questions. Et surtout des questions concernant le risque, concernant la subsistance. Ça, c'est les questions qui reviennent le plus. Subhanallah. Dans le verset 100 de Sourate Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala répond à toutes ces interrogations. Il répond à toutes ces interrogations. Beaucoup se demandent concernant le risque, la subsistance. Beaucoup se demandent comment vont-ils faire. Allah subhanahu wa ta'ala répond à toutes ces interrogations. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction: quiconque émigre sur le sentier d'Allah. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit wa man yuhajir fi sabilillah, quiconque émigre sur le sentier d'Allah, c'est général. Parce que la particule man en arabe qu'on traduit par quiconque, les savants nous disent yufid al-umum. C'est-à-dire que ça montre la généralité. Que tu sois un converti à l'islam, que ton épouse soit convertie, que tu sois une femme seule, que tu sois marocain, algérien, français, tunisien, espagnol, chinois, c'est général. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa man yuhajir fi sabilillah », ça c'est général pour tous ceux qui accomplissent la hijra. Allah subhanahu wa ta'ala dit par la suite, donc il dit selon le sens, quiconque émigre sur le sentier d'Allah trouvera sur terre maintes refuges et abondance de biens. Ça c'est la promesse de qui? C'est la promesse d'Allah. Celui qui nous a créés, Azza wa Jal. Celui qui nous a facilités. Alladhi hadana ila l'islam. Celui qui nous a guidés à l'islam. Ça, c'est la parole de Rabbuna Azza wa Jal. C'est la parole d'Allah, notre Seigneur. Le croyant, il doit être apaisé. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. N'est-ce pas avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala que les cœurs s'apaisent? Si tu as un ami proche, qui a toujours eu l'habitude de te soutenir dans tes épreuves, et qui a toujours été véridique avec toi. À chaque fois, elle t'a dit, voilà, je vais t'aider, je vais te ramener une somme d'argent, il te l'a ramené. Il n'a jamais failli à ses obligations et à ses promesses envers toi. Un jour, tu es dans une situation difficile. Tu as besoin d'aide. Tu invoques Allah, ya Rab, facilite-moi. Tu te lèves dans le dernier tiers de la nuit. Et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te faciliter. Et plus tard, cette personne vient te voir et te dit, demain, inshallah ta'ala, je vais régler ton problème. Tu vas être apaisé. Pourquoi tu vas être apaisé? Car tu sais que cette personne-là ne faillit pas à ses engagements. Et que c'est quelqu'un de confiance. Donc tu vas être apaisé. Même si tu avais beaucoup de problèmes, c'est comme si tu n'avais plus de problèmes. Que dire si cette promesse, elle vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Cet ami, il peut mourir, il peut tomber malade, il peut oublier. Et même si il a toujours été véridique avec toi, etc., etc., peut-être que cette fois-ci, il va se manquer. Alors qu'Allah Azza wa Jal, il n'y a pas plus véridique que lui en parole. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse pas ses serviteurs. Ça c'est la promesse d'Allah. Laysa kalami ana, c'est pas ma parole. Ça c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as des interrogations sur le risque, comment tu vas faire, etc. Les enfants, pas les enfants, etc. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, à toi qui veux faire la hijra, à toi qui veux cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il te dit, wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman kathiran wa sa'a. Quiconque émigre sur le sentier d'Allah trouvera sur terre maintes refuges et abondance de biens. Et tellement Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux, si tu viendrais à faire la hijra et que tu meurs en chemin, il y a une grande récompense qui t'attend auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ne mérite-t-il pas d'être aimé et d'être immensifié? Tu sors de chez toi, tu veux faire la hijra, tu meurs en route, il y a une grande récompense qui t'attend auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit par la suite: وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَى أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Quiconque quitte sa maison. Et on a dit quoi? On a dit que les savants nous disent que men, donc quiconque, ça montre la généralité. Quiconque quitte sa maison pour immigrer vers Allah et son messager, et que la mort vient surprendre, sa récompense incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la promesse d'Allah. Ça, c'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, donc ces interrogations sur le risque, comment faire, etc., etc., etc., quelqu'un pourrait se demander quels sont les mérites de la hijra. Quels sont les mérites de la hijra? Et quelle est la récompense de celui qui fait la hijra? Il n'y a pas de doute qu'il y a de nombreux mérites pour celui qui accomplit la hijra. Mais nous allons nous contenter de mentionner certains d'entre eux. Parmi ces mérites, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans Surat An-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْمَلُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction du verset: ceux qui ont émigré pour Allah après avoir été opprimés, nous leur accorderons une bonne vie ici-bas. Une bonne vie, ya salam. Et leur récompense dans l'au-delà sera plus grande s'ils savaient. Naam, s'ils savaient. Ces gens, qui sont ces gens? Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, ces gens qui ont patienté et placé leur confiance exclusivement en leur Seigneur. L'éminent savant, Cheikhoul Islam Ibn Taymiyyah, rahmahullah, a dit en commentaire de ce verset dans Majmou al-Fatawa, je cite: ces gens ont patienté face à l'injustice qui leur a été causée. Et la cause de la révélation de ce verset concerne ceux qui ont émigré vers le prophète. Ensuite il dit: et il est général pour toute personne qui se caractérise par cette caractéristique. Fin de citation. Méditez avec moi ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant ceux qui accomplissent la hijra. Il dit azza wa jal, selon le sens, ceux qui ont émigré pour Allah après avoir été opprimés. nous leur accorderons une bonne vie ici-bas. Certains vont te dire, Hijra rime avec pauvreté. Hijra rime avec problème. Etc. etc. Allah, il nous dit, nous leur accorderons une bonne vie ici-bas. Ensuite, il dit à Azawajal, et leur récompense dans l'au-delà sera plus grande encore. Law kanu ya'lamun, s'ils savaient. Regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit selon leur sens, s'ils savaient. C'est-à-dire que si on avait pris connaissance de ça, si on aurait pris connaissance de la grande récompense qu'il y a pour celui qui accomplit la hijra, on n'aurait pas été hésitant comme ça. Ensuite, il dit à Azzawajal, « Alladhina sabaru ala rabbihim yatawakkaloun » Ces gens qui ont patienté et placé leur confiance exclusivement en leur Seigneur. Une bonne vie ici-bas. Une récompense encore plus grande dans l'au-delà. Ça, c'est pour qui? Ça, c'est pour celui qui fait la hijra. Également, parmi les mérites de la hijra, le fait que les muhajiroun seront à l'abri des frayeurs du jour de la résurrection. D'après Saïd al-Khoudri, qu'Allah l'agré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les muhajiroun auront des tribus en or élevées sur lesquelles ils s'assiront au jour de la résurrection. Ya salam. Ça c'est pour qui? Ça c'est pour les muhajirines. Regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ensuite. Alors qu'ils seront certes à l'abri des frayeurs de ce jour. À l'abri. Pourquoi? Car ils ont accompli la hijra pour Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala les mettra à l'abri d'un jour terrible. Et on connaît tous ce que représente Yom al-Qiyam. Allah subhanahu wa ta'ala les mettra à l'abri. Des frayeurs de ce jour. Et les ulama, les gens de science, sont d'avis que ce hadith n'est pas spécifique à ceux qui ont émigré à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais plutôt il englobe tous ceux qui émigrent des terres de mécréance vers les terres d'islam. Et cela jusqu'au jour de la résurrection. Subhanallah. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as la ferme intention de faire la hijra. Tu fais les causes. Car beaucoup veulent faire la hijra, mais ils ne font aucune cause. Tu fais les causes, tu fais la hijra. Alhamdulillah. Tu meurs muhajir, fi sabilillah. Tu fais ça pour Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala te mettra à l'abri des frayeurs du jour du jugement. Allah estihiq en yuhab, hadha rab. Ce Seigneur ne mérite-t-il pas d'être aimé, Azza wa Jal? Regardez cette récompense. Pour ceux qui font la hijra. Également, parmi les mérites et les bienfaits de la hijra efface ce qui l'a précédé comme péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne sais-tu pas que l'islam efface ce qui le précède, que l'émigration efface ce qui la précède et que le pèlerinage efface ce qui le précède. Et le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Ici, j'aimerais attirer votre attention sur un point. Regardez lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de ceux qui ont délaissé la hijra et qui avaient la capacité de l'accomplir. Il dit « Alladhina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim » Ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Ensuite, Allah les menace par l'enfer. Également, regardez comment on parle des muhajirin, ceux qui ont fait la hijra. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ Nous leur accorderons une bonne vie ici-bas et leur récompense dans l'au-delà sera plus grande. Également dans le hadith que nous venons de citer, ils seront à l'abri des frayeurs du jour de la résurrection et leur péché sera effacé. Regardez comme ils ne sont pas égaux, ceux qui ont accompli la hijra et ceux qui l'ont délaissé alors qu'ils avaient la capacité de l'accomplir. Il faut vraiment qu'on soit sincère et véridique. Il n'y a pas une personne sincère qui voulait vraiment faire la hijra et qui a fait les causes sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite à accomplir la hijra. Mais le problème, c'est qu'on écoute des rappels sur la hijra. On écoute des conférences comme celle-ci. On est motivé un temps. Lors du rappel, on va parler un peu du rappel demain, après-demain. On va propager un rappel sur notre statut WhatsApp. On va dire Allahumma barik le rappel. Et puis ensuite, on va être pris dans la dunya. Et les années vont passer. Et les enfants vont grandir, etc., etc. Que chaque personne médite sur ce verset et qu'il regarde où en est-il. Car ce verset, il nous concerne tous, ceux qui ont fait la hijra comme ceux qui n'ont pas accompli la hijra. Il faut, ikhwani fillah, qu'on soit véridique. Il faut savoir que cette vie d'ici-bas n'est que jeu, amusement et vaine parure. Parfois, c'est cette dunya qui est un frein à l'accomplissement de la hijra. Alors que cette dunya ne vaut rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que même en pays musulman, il y a la dunya. Il faut vraiment qu'on craigne Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez la guerre que font les mécréants à l'islam, une guerre apparente. Regardez comment ils font tout pour nous égarer, ainsi que nos enfants. Il faut que les pères de famille prennent leurs responsabilités et qu'ils placent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Nous voyons dans certains pays musulmans des gens qui ont quitté l'Afrique centrale et se sont retrouvés dans certains pays du Maghreb pour aller en Europe. Et ils sont prêts à tout pour y arriver et ils patientent. Tu trouves que certains ont quitté leur pays natal depuis 8 ans. Et ils te disent, moi je veux aller en Europe et je patiente. Et je ferai tout pour y arriver. Pourtant il est sur le faux. Et toi, ya Abdallah, ya Amatallah, Allah subhanahu wa ta'ala te récompensera et te facilitera. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Ça, c'est la promesse d'Allah azza wa jal. Les pays musulmans nous appellent. Ta'alaou, ta'alaou, venez, venez. Alhamdulillah. De nos jours, la hijra est facilitée. Regardez par exemple la hijra de notre mère, Umm Salama, radiallahu anha. Comment elle a mis du temps pour arriver à Médine et qu'est-ce qu'elle a subi? Aujourd'hui, tu prends un avion, 3h30, tu prends même ta voiture avec tes effets personnels et tu arrives en terre d'islam. Allah subhanahu wa ta'ala va nous questionner sur ces facilités. Il faut profiter de ces facilités. Et j'aimerais clôturer cette conférence en disant que la motivation est semblable à la foi. Comme vous le savez, la croyance des gens de la Sunna, et ils sont unanimes sur ce point, et que la foi augmente avec les bonnes actions et elle diminue avec les péchés. Et la motivation également augmente et diminue. Aujourd'hui, tu es motivé pour faire la hijra. Et peut-être que tu as une facilité à faire la hijra, mais il est probable que demain, ça ne soit pas le cas. Alors, empresse-toi de faire la hijra. Et rappelle-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin » C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui pourvoit. Ton rizq, il est écrit. Et ça fait partie des quatre choses que l'ange a notées. La première des choses, c'est l'écriture de ton rizq. Et les savants ont dit que tu ne quitteras pas cette dunya avant d'avoir reçu la totalité de ce rizq-là.